9-23. Observation. Quelqu'un. Personne. Observer. Positif. Il y a quelqu'un. Négatif. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne vois personne. Personne est utilisé avec ne pour former des phrases négatives. Ne est placé devant le verbe. Personne est placé après le verbe.